الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية أي يفسر قوله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان أي الله سبحانه وتعالى ينزع أغضني العدل والإحسان. العدل d'être juste et الإحسان la bienfaisance. قال الشيخ سعدي رحمه الله كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. Tant que c'est du bir, tant que c'est du bien, on doit s'entraider. Que ça soit bil mal, avec l'argent, que ça soit bil baden, aider directement ton frère dans une chose, ou l'aim, ou hada anfa. Tu aides ton frère fil l'aim. Si tu as la qudra, tu lui montres, tu le conseilles. Hada samin a'zam albir. At-ta'awun ala l'aim dans la science. Qala al-shaykh rahimahullah wa khassa Allah. إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خص أولي القربى أي لبخش وإيتاء ذي القربى. لماذا؟ لأنهم يزن حق عظيم علينا خاصة الوالدان لبعض. قال الشيخ رحمه الله لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك ويدخل بذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. هذا سنقلب طول بخش لكن يأكن دد أن الأقارب يتفوتون أي من حيث القرب فمثلا لبعانس لبلو بخش وهكذا لفخير السر الأقرب فالأقرب. على كل حال المؤمن يحسن إلى أقاربهم إلى أقاربه يقصد. قال رحمه الله كان أحق بالبر انتهى. وكثير من الناس يسألون بغبغة هذا البر كسسوا مع الوالدين أو avec les frères et sœurs وأطر فيسألون كيف نستمر على هذا البر بعد موت قريب من الأقارب. أي est-ce qu'on peut continuer à s'entraider, à être utile pour ce proche défunt décédé après sa mort. والجواب نعم. لكن الناس في هذه المسألة ربما يريدون الخير لكن بسبب الجهل فالبعض يحدث بعض الأمور دي بدع أو دي خرافات دي choses qui n'ont aucun دليل et pense que c'est utile pour son proche alors que بالحقيقة c'est d'aucune utilité. وهناك أمور كما ستأتي معنا إن شاء الله الدليل الواضح من القرآن ومن السنة وربما أجمع على ذلك أئمة الإسلام. Ils sont tous unanimes. Cette chose, elle est profitable pour le mort. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Ils délaissent cette chose. مع أنهم ils aiment leurs proches et ils veulent lui faire du bien. لكن الجهل. فلهذا أحببت أو أحببنا ولهذا أحببنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه الأمور أي ces points, ces عبادات qui peuvent être utiles pour nos proches qui sont décédés, rahmatullah, نذكر هذا يرحمك الله نذكر هذا باختصار وبالله التوفيق. أولا premier point العناية بهذا القريب عند موته أي on doit aider نتعاون مع هذا القريب عند موته quand il meurt. On a des choses à faire en tant que proche. Min ghasli wa takfini wa salat alayhi wa dafni. Tout ça, c'est min al-umur al-muhimma. Lakin on doit faire ces choses. Ay ghaslu al-mayyit, ay le laver. Wa takfini al-kafan, ay le linceul. والصلاة عليه faire صلاة الجنازة sur lui. كذلك الدفن l'enterrer على الطريقة المشروعة أي comme le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a démontré في سنته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. Celui parmi les mu'minin qui meurt et 100 parmi ses frères musulmans ils font salat sur lui, ay salat al-janaza, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu, il lui pardonne. Al-hadith sahahahu al-imam al-Albani rahimahullah wa kadhalik al-shaykh Muqbil fi al-jami' as-sahih. Ni'matun 'azima. Wa kam min an-nas يتساهلون في هذا الباب ربما قريب من الأقارب ما إلى سيستبا صلاة الجنازة على وقت القدرة ربما إلي بخش لكن إلي أكيبي بعض أخرى الشوز وهكذا غير الأقارب أي celui qui a la قدرة يدوى سيستي صلاة الجنازة خاصة quand c'est proche et encore plus quand c'est un membre de sa famille. ومن الأمور التي تنفع الميت بإذن الله عز وجل الدعاء له. قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهكذا شأن المؤمن إذا الدعاء صفحة المؤمنين وخاصة الأقارب encore plus pour ses proches. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Si l'être humain meurt, ses œuvres s'arrêtent. لماذا؟ لأن هذه الدنيا دار عمل. S'il meurt وينتقل إلى دار البرزخ أي la tombe فينقطع عمله. Ses œuvres sont arrêtées. إلا من ثلاث سوف دون تخوك. قال صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له أي أنا صالح كي أكخشي أصن ديني كي في الدعاء pour ce parent. Que ce soit le père, la mère, ou ce proche, son frère, sa sœur, sa tante, sa grand-mère, son grand-père. Bi'idhnillahi azza wa jal, al-mayyit yastafid min hadha ad-du'a. Wa naqala al-imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah fi sharh al-Tahawiyya ittifaq a'immati ahli as-sunnah anna al-mayyit yantafi' bid-du'a wa al-istighfar. Fa anta akhi al-karim, si tu as perdu un proche, et rubbama tu as été مقصر وهذا فأغيب كم من الناس إذا مات أحد أقاربهم يندمون. Pourquoi on ne lui a pas fait telle chose, pourquoi on ne lui a pas rendu tel service, pourquoi on ne s'est pas entraîné avec lui بهذا الأمر. الحمد لله même s'il meurt il reste هذا العمل العظيم. Ne l'oublie pas في دعائك خاصة في سجودك آخر الليل في الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم

Il fait du'a pour eux, et kadalik il leur montre, et kadalik il essaie de leur faire aimer hada din. Et al-amru lillahi subhanahu wa ta'ala. Tanbihun akhar par rapport à ce point, wa hada khas li al-walidayn, al-inayatu bil-awlad. تأمل الحديث كنا لو انصم اخي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم اولد صالح يدعو له فالعاقل يفيد زفور يجتهد حتى يربي هذا الولد على الدين على السنة على العلم لماذا لان هذا الولد الصالح فتستفيد منه أيها الأب أيتها الأم أي vous allez profiter de هذا الولد بإذن الله عز وجل حيا وميتا. Si les parents sont en vie, ils vont profiter de cet enfant, لأنه صالح. Il va les aider, il va faire دعاء pour eux, il va leur montrer, il va patienter معهم إلى آخره. وإذا ماتوا كذلك يستفيدون منه بإذن الله عز وجل. لأن الولد الصالح il n'oublie pas ses parents. الولد الصالح il fait des دعاء pour ses parents. أما ما يفعله البعض عن طريق أنهم يربون أولادهم فقط على الدنيا. Il faut avoir des diplômes, ils pensent qu'au travail, il faut avoir l'avenir et ils consacrent aucune part au ilm. والسنة والأعمال الصالحة إلى آخره. فربما هذا الولد لا يستفيدون منه. وهم أحياء. Peut-être qu'il va travailler, peut-être qu'il va avoir une place, et il oublie ses parents. لماذا لأنه سبا ولد صالح. الله بعض الأولاد ربما إذا بريال الأخبار. هذا سبا من البر. وإذا ماتوا فهذا الولد ربما يسمعي إلى الفاميلي il oublie ses parents. لا دعاء ولا شيء. هذا من أهم الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته أي parmi les choses que le musulman va profiter même après sa mort أي parmi les حسنات قال النبي صلى الله عليه وسلم علما علمه ونشره أي علم qu'il a appris et qu'il a propagé فالناس يستفيدون من علمه من كتبه من دروسه من نصائحه. Il est dans sa tombe, fi qabri, wa huwa yastafid hasana. Ça nous montre l'importance du ilm. Thumma qala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa waladan salihan taraka. Il y a un enfant salih qu'il a délaissé après lui. Cet enfant salih, l'idn Allah azza wa jalla, il va faire beaucoup d'efforts pour ses parents et pour lui-même. Fa'ala hadha wallahi law alima an-nas ما في العلم والتمسك بالسنة طلب العلم الاستقامة لو علموا ما في هذه الأمور من النفع لأنفسهم ولأولادهم وآبائهم لدفعوا ما عندهم من الأموال pour pousser cet enfant à étudier العلم. لأن في الحقيقة cet effort que tu fais مع ولدك c'est pour toi أيها الأب. أيها الأب، فلهذا ننصح الآباء والأمهات لا يقصروا مع أولادهم خاصة si cet enfant fait des efforts في طلب العلم et في التمسك بالسنة. Et كذلك on encourage les parents à faire eux-mêmes des efforts et à encourager leurs enfants. أما الدنيا فتزول كم من الناس. Ils avaient de l'argent ثم ils en ont plus. كم من الناس. Ils avaient de la bonne santé صحة ثم مريضوا. L'argent, la santé, ça part, ça vient. Amma ad-din, al-iman, al-ilm, al-amal as-salih, wa tastafid minhu fi hayatik wa ba'd mawtik bi idhnillah 'azza wa jalla. Thalithan, aw qabla hadha, nasina qawl al-imam an-Nawawi rahimahullah kama fi al-majmu' qala as-salatu 'ala al-kafir والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. On a cité le verset min surat al-Tawbah Et كذلك هذا الإجماع l'unanimité أن لا يجوز on n'a pas le droit de faire صلاة الجنازة sur un كافر أو faire دعاء pour lui بالمغفرة أو autre فلا يجوز. ثالثا الصيام عنه et parmi les choses utiles pour ce proche qui est décédé الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه أي celui qui meurt وعليه صوم أي il a un صيام obligatoire à faire et il ne l'a pas fait صام عنه وليه أي son proche il fait ce صيام à sa place. الحديث اللي في الصحيحين قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أما الصيام فإذا كان عليه صوم كان عليه صوم يصوم عنه أو يصام عنه مات عليه صيام مات وعليه صيام بأن فرط avec cette précision أنه مات il est mort ce proche. On prend l'exemple مثلا de la mère et elle avait un صيام واجب عليها لكن elle a eu de la négligence مثلا elle n'a pas pu faire deux jours de siyam le ramadan qui est passé son mal avait du temps pour le rattraper lakin elle repoussait demain il a elle est sans ramad donc ces deux jours fi zimmatiha ils sont wajib alayha et elle n'a pas pu les faire ou elle les a pas faites plutôt à cause de d'une certaine négligence fi hadha al hal waladuha أو أخوها أو زوجها وأبوها مهم قريب من الأقارب إفاء الصيام بول قال يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فهذا القريب يصوم لله bien sûr نيته لله لكن سنية كذلك إفاء الصيام لماذا لأن سبخش il a négligé, il n'a pas fait ce jour. هذا بإذن الله عز وجل يستفيد منه الميت. لماذا؟ لأن هذا الصوم c'était obligatoire. Et il est mort et il n'a pas fait. ففي هذا الحال التعاون c'est طيب. قال الشيخ رحمه الله فيصوم عنه ولده من ذكر أو أنثى أو زوجته أو غيرهم. نعم c'est pas خاص pour les garçons. لا semble كذلك les filles de ce défunt ou sa femme al-muhim un proche yasoum an thumma qala amma idha kana al-mayyit ma farrat ya'ni mat fi maradihi fa hadha la soum alayhi 'inda 'ammat ahli al-'ilm 'inda jumhur ahli al-'ilm la yuqda 'anhu wa la yut'am 'anhu li'annahu ghayru mufrit ma'dhur hadha c'est كذلك c'est important à comprendre. On donne un autre exemple avec une mère. Elle n'a pas fait le siyam, le dernier siyam, لماذا? لأنها مريضة. Elle était malade, elle n'avait pas le droit à la siyam. ففي حقها siyam, il n'est pas واجب. ما فرطت, elle n'a pas eu de négligence. بل, elle n'a pas fait le siyam, لعدم القدرة. L'incapacité. ففي هذا الحال, si elle meurt, on ne rattrape pas ce mois de siyam. لماذا? لأن أصلا, il n'était pas واجب عليها. فالle siyam qu'on rattrape, c'est le siyam الواجب. Qui est resté fait zimma, avec هذا الحال, on le rattrape, inshallah ta'ala. Amma somme at-tatawwu', بعض الناس يسألون, est-ce qu'on peut faire des jeûnes recommandés, comme le lundi et le jeudi, ou ayam al-bayd, الثالث عشر, الرابع عشر, الخامس عشر, من الشهر إلى آخره, هذا لا دليل على هذا. كما قال بعض أهل العلم, منهم الشيخ بن باز رحمه الله, قال وهكذا التطوع بالصوم عنهم أي يترك لأن ذلك كله لا دليل عليه يا أكن حجة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم أما المستحب ce qui est recommandé c'est pas في الذمة أي c'est pas une chose comme une dette qu'on a et une obligation qu'on n'a pas faite. لا من شاء صام ومن لم يشاء لم يصوم فالميت on n'a pas à faire des jeûnes recommandés pour lui. Hada la dalil alayhi. Hadihi al-masa'il la yatawassa' fiha. On ne peut pas faire toutes les adorations pour un proche. Là, on peut s'entraider fima jaa ad-dalil. C'est pour ça que chaque fois on cite des adela pour montrer que c'est légiféré. Amma at-tawassu' et al-ikthar min hadha, fa c'est pas min sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. رابعا اي après الصيام الحج او العمره في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال صلى الله عليه وسلم نعم. Cette femme elle a demandé, sa mère elle avait fait un vœu. Un nadr, c'est s'imposer, comme taqaddam ma'ana fi kitab tawhid, s'imposer une ibada qui à la base n'est pas obligatoire. À la kulli hal, hadha al-hajj était obligatoire pour cette femme. Elle est morte, elle n'a pas pu faire ce hajj. Sa fille, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle peut faire ce hajj à la place de sa mère? Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala na'am. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن الحج الواجب سي واحد إن لابف إمام فيشرع دلفاء أسفلس قال الإمام ابن باز رحمه الله فالصدقة والدعاء والحج عن الميت والعمر عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم حقيقة خلاف يسير فيه في الحج ذكره الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية لكن قول جمهور أهل العلم سكس مشروع كذلك هنا العاجز أي même s'il est vivant مثلا ton père ou ta mère ou un de tes grands-parents il est malade ou il a atteint un certain âge, il peut plus se déplacer, المهم il n'a pas la قدرة. Lakin il a de l'argent. Il est juste annahu, il donne cet argent à un de ses proches et ce proche il fait le hajj à sa place. Tout ça, c'est mashrou' li idnillah azza wa jalla. Lakin un tanbih muhim huna. An al-insan yantabih min wasawis ash-shaytan. Annahu yadlas al-hajj thumma yaqul annahu s'il meurt de toute façon l'argent qu'il délaissera, ses proches ils feront le hajj pour lui. La. Lianna celui qui a le qudra de faire le hajj et délaisse le hajj, il est à la khatr azim. Il est à la khatr azim. Hatta ba'd ahl al-'ilm yasjurun fi hadha al-hal annahu il a délaissé. Il a délaissé. L'insan yantabih. Il fait du khayr wa yas'al min Allah subhanahu wa ta'ala al-qabul. Tanbih akhar par rapport au hajj. Man mat ay la mas'ala qu'on a cité, un musulman qui meurt et il n'a pas fait le hajj, ou indahu mal. Fa yu'khad min hadha al-mal qabla al-qisma, avant de partager hadha al-mal. Ay lil waratha, ceux qui vont hériter de ce mort, fa qabla hadha yu'khad min hadha al-mal et wahid il fait le hajj avec هذا المال. لماذا لانه ستواجب عليه الحج وهكذا سياتي معنا في الدين. قال الشيخ العزيمين رحمه الله سان ترويزيام تنبيه ولا شك ان الاولى والاليق ان لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه اولا. Le troisième tanbih qu'on peut faire هنا في الحج انه celui qui fait le hajj pour un autre, il faut déjà que lui-même il ait fait le hajj, le farida. Amma, on ouvre les portes et wahid il fait le hajj alors que lui-même il n'a pas fait, il veut faire le hajj pour un autre, hadha la yanbaghi. La yanbaghi. Celui qui fait le hajj pour un autre, il commence déjà par lui. Na'am. Ay bi malih. Amma, si c'est avec l'argent du mayyit, c'est une autre mas'ala. Amma masalan anta tu as de l'argent et tu n'as jamais fait le hajj et tu as que une certaine somme d'argent que pour faire le hajj une fois pour l'instant amma l'avenir Allah a'lam. Lakin wahid il a de l'argent pour faire le hajj masalan cette année Et où il n'a jamais fait le Hajj. Et un de ses parents qui sont décédés, كذلك, ils n'ont pas fait le Hajj. Là, il va arriver à la hal, il fait le Hajj et il met niya pour ses parents. Là. Ou pour un de ses parents. Les anna niya via des umur, et on précise, c'est que pour un. Tu ne peux pas faire le Hajj et mettre niya pour plusieurs. Là. C'est pour ça que tu ne peux pas faire le Hajj et mettre niya pour toi et pour un de tes parents. Là. Un niya, c'est les wahid. C'est une ibada, pas une niya. فلا ينبغي بهذا الحال أن واحد في الحج alors que lui-même il n'a pas fait mais il n'y a pour un autre لا الإنسان commence par son نفس لماذا لأن الله أمرك أيها العبد فعل الحج ثم si tu as fait ton واجب tu as fait الفريضة والله سبحانه وتعالى فتح عليك بمال إلى آخر et tu fais le حج pour un de tes parents qui ne l'ont pas fait فالحمد لله خامسا قضاء ديونه أي للpayment de ses dettes عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله عليه نفس المؤمن معلقة بدينه أي tant que son dain il n'est pas payé et cette dette maintenant il devait de l'argent à un tel et il n'a pas payé il est mort à la hadha al-hal fa nafsuhu mu'allaqa tant que cette dette elle n'est pas payée قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين كأنها أي قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة معلقة tu peux traduire par aller accrocher son nafs الشيخ ابن عثيمين قال كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين ولا تفرح بنعيم فكأن son نفس تتألم elle est triste et لا تتنعم ولا تفرح et elle profite pas des délices dans la tombe لماذا لأنها معلقة بالدين لأنها manque une chose أي سدت قال ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن لأن عليه دينا ومن ثم قلنا إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين فلهذا الورثة أي les enfants de ce muslim décédé ou ses proches, ses frères et la agri, ils doivent se précipiter à payer ses dettes فلهذا من أول ما يبدأ الذي قدر الله سبحانه وتعالى أنه il a perdu un proche أنه يكمنس با سيدت هذا نستفيد منه لامبورتانس دو الوصية خاصة celui qui est malade ou il atteint un certain âge ou celui qui a des dettes même si les jeunes il est en pleine santé لأن ربما يموت فجأة ففي هذا الحال نولي بعد الوصية والإنسان يكتب ما له وما عليه ce qu'on te doit et ce que tu dois حتى إذا مات الإنسان فالأقارب يبخان هذه الوصية son testament et si la dette إن شاء الله يدفعون المال لأن الأمر il est pas simple يا جماعة نفس المؤمن معلقة فإيماجيني la tristesse de هذا الميت في قبره أنه معلق tant que sa dette elle est pas payée et si on قدر أن il a pas informé de cette dette ou son entourage ils sont pas au courant الأمر إلى خطير كم من الناس يتساهلون celui qui a des dettes فيكتب une وصية أو يخبر bien quelqu'un أنه j'ai une dette عن فلان فسيل se passe quelque chose ses proches ils savent quoi faire نفس الشيء فإن ترك مالا بعد موته s'il a délaissé des biens après sa mort de l'argent avant de partager قبل القسمة أي للورثة avant de partager les biens à ses enfants il a akhir fa yukhad min hadha al mal et on rembourse ses dettes limadha li anna ses dettes c'est un haqq lil ghayr wal haqq lil ghayr on est obligé de le rendre c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a comparé as-siyam ou le hajj aux dettes na'am wa hadha fi ghayr hadith wa in lam يكن هذا الميت ترك مالا s'il n'a pas de laisser d'argent ou il n'avait pas d'argent مات فقيرا لكن il avait des dettes ففي هذا الحال يقضي عنه أحد أقاربه وهذا من أعظم البر Et c'est là l'importance d'avoir un entourage salih. Khassatan al-awlad. Annahum la yatrukuna aba'ahum bi hadha al-hal. Abadan. Même si c'est une somme probablement assez grande, ahad al-awlad ou yata'awanun, et ils ne laissent pas leur père ou leur mère fi hadha al-hal. Nafs al-mu'min mu'allaqatun bi daynih. Parce qu'il n'avait pas d'argent, ses enfants yata'awanun et ils remboursent la dette. الزكاة العلماء يذكرونها كذلك dans ce point مثل الدين. سئلت اللجنة الدائمة عن رجل توفي ولم يكن يخرج الزكاة عند عدة سنوات pendant des années il n'a pas sorti الزكاة وهذا صعيب. الإنسان ربما يغتر بهذه الدنيا. بعضهم أثرياء. الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بأموال طائلة. Beaucoup d'argent et ils ont une petite somme à sortir. Si c'est sur de l'argent, 2,5%. Et ils ne sortent pas cette somme. Thumma yamut, il a délaissé هذا الحق. فسئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا الرجل فأجابوا يجب إخراج الزكاة من مال هذا الميت عن جميع السنوات التي مرت عليه ولم يزكي. Cet argent qu'il a délaissé et qu'il ne faisait pas de zakat, il ne sortait pas de zakat. فالواجب, c'est avant de partager cet argent, il doit sortir la zakat. لماذا؟ لأن الزكاة سمن فرائض الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا المال c'est حق من حقوق الفقراء والمساكين. C'est un haq pour eux. On n'a pas le droit de se partager cet argent et de laisser haq al-ghayb. Là, al-awlad, et kadhalik, on appuie, on continue de citer, si c'est des awlad salihoun, ça sera mille ashal al-umou hadr. Amma, si c'est des enfants, indahum shay min al-tam', ils aiment dunya, barubama, ils se partagent l'argent et ils ne payent pas al-zakat pour leur père. Ayna al-bir. نعم هذا ما يتعلق بقضاء الديون وكذلك نسيت الزكاة في هذا الباب. سادسا الصدقة عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت أي ماتت فجأة. نعم أي هذا الصحابي رضي الله عنه إلى demandé au prophète صلى الله عليه وسلم أن sa mère elle est morte. قال وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها. فتأملوا هذا الولد الصالح. Il a pensé à sa mère في هذا الحال. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمي لو تكلمت أي si elle pouvait parler elle pouvait agir تصدقت alors ordonner qu'on fasse une sadaqa pour elle ou elle refait une sadaqa. Al-Muhim, il a pensé à sa mère, elle veut le khayr, même après sa mort. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle a une récompense si je fais une sadaqa pour elle? Mathalan, aider un orphelin, mathalan, donner de la nourriture à un nécessiteux, mathalan, s'occuper d'un tel, il n'a pas assez de vêtements. Al-Muhim, aider Wahed, il n'a pas d'eau chez lui, lui faire rentrer l'eau, ou l'électricité, ou un appartement, une maison, tout ça c'est des sadaqat azim. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأجر كذلك le mayyit il en profite. هذا celui qui veut aider, celui qui veut faire du khayr à ses proches même après leur mort. أما وعد الناس quand leur proche il meurt عيادا بالله نياحة وكلام سيء بعضهم يستعش لبيتمون وبعضهم من باب تسخط alors que c'est Allah سبحانه وتعالى قدر هذا. Et comme si ses pleurs et ses cris بعضهم ça va plus loin عيادا بالله وبعضهم ils disent des كلمات فيها الطعن في رب العالمين. Et pourquoi on m'a pris mon proche, mon père ou mon enfant, yadam billah, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qaddar hada shay. Au lieu de tout cela,

النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوني أن أوتر إكزومبل بور تو مونتري عظمة الأجر كالذي يصوم النهار كوم سولوي كي في الصيام في النهار يجل لا جورني أو يقوم الليل يفي لا نوي أن صلاة الأجر إلي عظيم خاصة سي هذه الأرملة سيت فوف سي سي أون بروش كوم أون مير كوم أون سور كوم أون تانت كوم أون غران مير الأجر إلي أعظم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى il a joint ses deux doigts l'index et le majeur et il a démontré عليه الصلاة والسلام أن lui est celui qui s'occupe d'un yatim un orphelin avec le prophète صلى الله عليه وسلم il sera هكذا et ils seront très proches في الجنة et l'orphelin c'est celui qui a perdu son père. Et encore plus si c'est un neveu. Encore plus si c'est un neveu ou autre. Ou un cousin, un proche. Que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec des conseils, que ce soit avec autre. Ou كذلك, مما ينبغي على أقارب الميت الإحسان إلى أصدقاء الميت. أصدقاء الميت سي با سا فامي لكن سي سي زامي الإحسان إليهم لماذا؟ لأن جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه سي من أبر البر البر سي لا بيتي لا بيانفوزون فمن أعظم هذا البر parmi les plus hauts degrés في البر لا بيانفوزونس envers tes parents, que ce soit le père ou la mère, et les amis de ton père ou les amis de ta mère. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الود ça vient de, c'est comme le mahabba. Et les personnes que ton père ou ta mère ils aiment. Et prendre soin d'eux, que ce soit avec argent ou autre, leur rendre visite, s'entraider avec eux, il a arrêté. Bien sûr, tant que ça ne pousse pas un haram, si c'est une femme, il a arrêté. On ne peut pas tout détailler avec Adil Kalim, mais il y a des choses là, chacun a la chourou avec des autres Adillah, il a akhri. Lakin, l'insan, même si c'est une femme et c'est une femme, elle est ajnabiya par rapport à lui, il lui envoie de l'argent ou par le biais de sa femme ou de sa sœur ou de sa mère, al-muhim, al-hadil ahwab ma'roufa. Wa akhiran, ihdar. من هذه الأمور tout ce qu'on a cité auparavant c'est des moyens pour s'entraider pour faire parvenir des hasanat à nos proches décédés et on conclut avec des choses à ne pas faire احذر من تنفيذ وصية هذا القريب إن كان فيها مخالفات لدين الله عز وجل لأن الوعظ ربما ils ont écrit des testaments وصية et ils ordonnent ou ils conseillent ou ils aimeraient que leurs proches fassent telle chose et telle chose. Ahyanan, c'est des choses haram. Fala yajouz d'appliquer ces choses. L'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la ta'a li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. On n'a pas le droit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna ce proche, dans son testament, il a décidé de, qu'on fasse pour lui telle chose après sa mort. Fala yajouz. Que ça soit construire sur sa tombe. Ou Ayyadan Billah Wa'aduhum dans son testament il cite un de ses proches Annahu il n'a pas à avoir une part dans l'héritage alors qu'il mérite. Et tout ça c'est haram. L'héritage c'est un haq pour ce proche. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ce haq à ce proche. Fala yajouz mal'uhu même si sahib al-mal il a écrit dans sa wasiya. Ou Wa'aduhum Ayyadan Billah plus grave. Ils écrivent dans leur testament s'ils meurent, leurs enfants, ils égorgent telle bête fi qabr al-wali wa yazurunahu ziyara iyadan billah shirkiya ou khurafiya. Tout ça là yajouz. Tout ça là yajouz. C'est très très grave. Al-wasiya, on l'applique si ça ne contredit pas les textes. Si ça contredit les textes, hadhihi al-wasiya fala naqumu biha abadan ta'atullahi subhanahu wa ta'ala. Elle passe avant. كذلك احذر اخي الكريم من البدع التي تفعل بعد الموت Vous avez remarqué que عند الموت il y a beaucoup de bid'a. لماذا لأن كثير من الناس ils suivent les sentiments et ils n'arrivent pas à se contrôler, que ce soit durant les moments de joie ou de tristesse. فبعضهم ربما ils font des choses tellement qu'ils sont tristes et ils pensent que c'est utile pour eux et pour le monde. كقراءة القرآن جماعة يجتمعون في بيت من البيوت. Et ils appellent un groupe de personnes et ربما ils leur font à manger et pour qu'ils récitent le Coran. كأن هذا c'est utile pour le ميت. Le ميت لا يستفيد من قراءة القرآن. Le Coran c'est pour les vivants. والعجب أن بعض الناس ربما لا يفتح المصحف في حياته ويهجره. Et quand il meurt, ses proches ils se précipitent à réciter le Coran. Le Coran se fait pour être appliqué. Il a dar al-barzakh, il est dans son qabr. Toutes ces choses c'est plus utile pour lui. Ça fait du mal à ceux qui les font. On doit faire des efforts, on doit appliquer le Coran tant qu'on est vivant. C'est une force à on est vivant, on fait des efforts. Il y a des choses qui sont utiles pour lui, taqaddamat ma'ana. Amma rajouter comme yaf'al al-ba'd wa aghrab min hadha anna ba'dhum rubbama ista'jara qari'un. C'est comme une location, annahu yabay wahid pour qu'il récite al-Qur'an pour son père ou pour sa mère ou pour son frère, muhim un de ses proches. هذا تلتروف في بعض المقابر dans certains cimetières. Tu trouves des gens qui sont debout مع المصحف et ils attendent et tu lui donnes مثلا telle somme et ils récitent le Coran vers la tombe une demi-heure, une heure par rapport à l'argent. Tout ça c'est من البدع ومن القرآن. هذا celui qui fait ça, qui est vivant et qui demande l'argent pour réciter, هذا il veut que de donner. Et l'autre مسكين il est في غفلة, il pense que c'est utile pour ses proches. C'est pas ça qui est utile. Ce qui est utile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, ne perds pas ton temps, akhil karim, dans des choses inutiles. Et en fait, c'est pas qu'inutile, mais il y a un darab azim, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tout ça, c'est minat dhalal. Ça serait un khayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait. Ça serait utile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait montré. Mais on fait attention au shaytan. Il veut occuper le musulman bihada, hatta on délaisse l'essentiel. Ra'aduhum, leur proche il meurt. Rubama, ce proche il a des dettes énormes. Ou al-aqarib la yuvaloun. La yuvaloun. Et il donne de l'argent pour qu'un tel il lit le Coran. Andorou. Al-khudla. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré à l'nafs al-mu'min mu'allaqa bidayni. Et hum, au lieu de payer les dettes, et dans ce cas-là ils seront utiles, il délaisse hada et il donne de l'argent pour des khurafats, pour des bid'a. Wallahu musta'an. Kadhalik al-ba'd. Quand un proche meurt, il rassemble des gens, ou des gens viennent chez eux, ou ils jtami'oun ala ta'am, ils font de la nourriture. Ka'annahum ils sont fi urs. Ka'annahum c'est un mariage. Hada yajouz. Celui qui vient pour ta'ziya, il azzi et il part. Et si c'est un homme, il le croise fil majid dans la rue, ou yu'azzir, il lui dit les condoléances, et on n'a pas besoin de se rassembler fibé. Il se rassemble le jour même, thumma au bout de 7 jours ou 10 jours, thumma au bout de 40 jours. Tout ça c'est des bid'a. Au bout de 40 jours, ils se rassemblent, ils font un repas, wal musayyib avec cette bid'a. Kathir minhum, ils appellent des gens qui n'ont pas besoin de cette nourriture, rabbama arniya, et ils délaissent les pauvres et le massacre. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 40 jours, tu as le droit pour les masakin. Là, lakin, si tu veux être utile, fais une sadaqa. Tu n'as pas besoin de spécifier tel jour ou tel jour. Et occupe-toi d'un orphelin, occupe-toi d'un pauvre, occupe-toi d'un talib ilm, occupe-toi d'une mosquée. Voilà, tout ça, ça va être utile, bi'idnillah. Propage l'ilm. Et si c'est une sadaqa pour tes proches, ben, inshallah, ça sera utile. Al-Khatima, on conclut. أننا في الحقيقة نستفيد من هذه الكلمة أن من أعظم ما يستفيد الإنسان بعد موته بعد رحمة الله عز وجل بيان سور أي parmi les choses que tu auras le plus besoin après ta mort, qui seront le plus utiles pour toi après ta mort, بعد رحمة الله عز وجل, c'est ما تسببت فيه في حياتك من الأعمال. C'est les أعمال que tu auras fait pour toi-même avant de mourir. On a cité هذا في الخاتمة حتى الإنسان il s'accroche pas et il attend pas que les autres y passent pour lui. Allah أعلم ils vont faire أمنا. Allah a'lam combien ils vont faire amna. Ajtahid fi hayatik et ne compte sur personne, akhi al-karim. Tawakkal ala Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta qulub da'ifa, ils ont vu dans une époque de fitan. Rabbama tes enfants au bout d'une certaine période, ils t'oublient, khassatan s'ils n'ont pas été éduqués à la sunna. Fal-insan yajtahid fi hayatihi, ay fi l'a'mal as-saliha. Qala Allah azza wa jal, amma alladhina amanu wa amilu as-saliha. فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أي سبب دخولهم في الجنة c'est leur إيمان et leur أعمال صالحة à eux. وقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. Ça nous montre que بعض الناس après leur mort ils vont regretter. Ils ne vont pas attendre qu'un tel y fasse pour l'a'mal. Là, ils vont regretter. وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلْ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ. Qu'est-ce qu'il va espérer, هذا الميت? Il ne va pas espérer qu'un tel y fasse pour lui. Là, même si un de ses proches y fait, il ne fera pas longtemps, il ne fera pas assez. Il espérera, هذا الميت, ce mort, de revenir fi dunya et d'appliquer. C'est une force azima. L'insan, il est en vie. Et Wallahi Alhamd, il a étudié ces points et il sait que après cette vie, il y a la tombe. Enfin, chacun de nous, on doit faire des efforts. Tanbih akhir, on a oublié de le faire et on le cite هنا. C'est pas min as-sunnah an tunu a'mal. Mathalan, si on prend l'exemple de sadaqa, toutes nos sadaqat, c'est pour nos proches qui sont morts. Et on s'oublie nous-mêmes. هذا c'est pas min as-sunnah. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف فإنه أفضل وأكمل. On n'a pas le droit de s'écarter de طريقة السلف. لماذا؟ لأن s'écarter de ce chemin c'est l'inhiraf ou le problème. Le salaf il ne faisait pas des salats pour les autres, mais salat la yajouz. Le salaf il ne disait pas le Coran pour les morts et pour que son proche mort il a la récompense. Là, amma les choses où il y a un délit khasatan al wajib comme le siyam, comme les dettes ila akhiri, hada yaqoum bihi al insan et inshallah yastafid min hada al amal hada al mayt. Amma ouvrir les portes à Hada, l'insan il fait plus de khayr pour lui, Rabbama il fait plus de sadaqa que pour lui, il fait que pour ses proches décédés. Hada laysa min as-sunnah, fala ifrat wala tafrit wa khayr al-hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaghfira lil mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Prochain dars, inshallah, mardi, on continue l'explication de Kitab Tawhid et la lecture de Risalat Cheikh Ibn Uthaymeen fi Zawaj sur les règles du mariage. On a subhanahu wa ta'ala al-ihana.